Voici votre bulletin régional. Du 23 janvier au 1er février, Ascot Corner tient son carnaval. Ainsi, le 23, au parc Pomerleau à 19h, les familles d'Ascot Corner sont invitées à célébrer l'ouverture du carnaval par une super disco sur glace. C'est gratuit.